بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. ألا وتعلموا أننا لا نستحل دماء الرافضة، ولا نستحل أموالهم، ولا نستحل أعراضهم تدينا، ليس خوفا من أحد، ولكن ديننا، يجعلنا نقول هذا ونقف عند هذا الحد. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. كشف إرجاء محمد الإمام في تبرئة زنادقة الرافضة من الكفر لفضيلة الشيخ المجاهد أبي حاتم سعيد بن دحاس المشوش اليافعي رحمه الله تعالى. تخرجوا كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. دوزيام بارتي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه والمتبعون بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله سنواصل مباشرة في قراءة هذه الملزمة التي يرد على محمد الإمام فيما يكشف ما عنده من الإرجاء. نحن نواصل إن شاء الله dans la deuxième chapitre cette malzama. Hier on avait pris déjà quoi les contradictions de Mohammed l'Imam. Du fait qu'il voit que le fait de rendre halal, le fait d'insulter les sahaba ou de les rendre mécréants ainsi de suite, cela est du kufr warih en soi. Il a lui-même ramené des paroles dans ses kutub des rafida, prouvant qu'ils prennent cela justement comme religion, conviction religieuse, donc cela rend le sihlal. Donc de là il se voit, mutanaqid du fait qu'il constate la chose mais il ne l'applique pas. Maintenant, ce chapitre-là, lui, sera relatif à quoi ? Au fait de démontrer justement cette irja qui est en lui, qui est la même parole que le jahm ibn Safwan. طيب يقول توضيح إرجاء محمد بن عبد الله الإمام في عدم تكفيره من يكفر الصحابة ويستحل سبهم. دي إكلاسيسمون سور كلاريفيكاسيون سور إرجاء دو محمد الإمام dans le fait qu'ils n'ont pas mécréant ceux qui rendent mécréant les sahaba et rendent cela licite. Leur insulte. Ils rendent licite et pas des insultés. يقول إعلام نسير عدم تكفير محمد الإمام لمن يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسقوهم ويدللوهم من الرافضة عموما والحوثيين خصوصا مع أنه يرى أن ذلك كفر من في حد ذاته فساد اعتقادي في مسألة الإيمان والتكفير مما يرجع من بعد الوجوه إلى طريقة الجهم بن صفوان وأتباعه في الإيمان والكفر وبيانه. Il dit donc, sache que la voie que suit Mohammed l'imam, dans le fait qu'il ne rend pas mécréant ceux qui rendent mécréants les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il les rend pervers ou égarés, parmi les rafidats de façon générale, ou les profits de façon particulière, et que malgré qu'il voit cela comme étant du kufr en soi, cela est une défaillance dans sa aqida, dans le sujet de la foi. Et que cela revient à quoi ? Sur certains points, à la voie que suivait Al-Jahm ibn Safwan et ses suiveurs dans la foi et dans la mécréance, comme cela va venir. Tartiakul. Ishtirat Muhammad al-Imam fi takfir murtakib al-kufr, qasd al-kufr. Donc là, il va montrer que Muhammad al-Imam, lui, met comme condition que pour rendre mécréant celui qui accomplit du kufr, qu'il faut que cette personne-là ait l'intention de faire du kufr. Son but, c'est de faire du kufr. Comme nous l'avions dit. طيب. فهو وإن كان يرى أن استحلال سب الصحابة تدينا كفر وأن تكفيرهم كفر في حد ذاته فإنه لا يجزم بكفر المستحل لسبهم تدينا ولا بكفر مكفر مفسقهم مكفرهم طيب ولا بكفر مكفرهم ومفسقهم ومدللهم حتى يكون ذلك بقصد وإرادة الكفر الذي يزول به تصديق القلب فإن لم يقصد الكفر فقد فعل الكفر البواح باختيار ولا بلا خطأ ولا إكراه فلا يكفر. طيب فيقول il dit que bien qu'il voit que le fait de rendre halal le fait d'insulter les sahaba et de prendre cela comme religion, cela du kufr, hein, et que leur, et que cela est du, le fait de leur mécréance, cela est de la mécréance en soi, alors lui, il ne se permet pas de voir la mécréance de celui qui rend cela licite et le prend comme religion. C'est-à-dire, il le voit, mais il ne veut pas l'appliquer. Vous voyez ? Non plus pour ceux qui les rendent mécréants, c'est-à-dire les sahabas, ou qui les rendent pervers, ou qui les rendent égarés, jusqu'à ce que celui qui fasse cela le fasse en voulant la mécréance. C'est-à-dire que son but soit la mécréance. Que son but soit la mécréance. Ce qui ferait disparaître de son cœur la confession de la foi. Et que si jamais lui ne vise pas par là le kufr, alors qu'il a fait le... Il a commis des choses de mécréance, claires, hein, de son propre choix, sans erreur et sans avoir été contraint, pour lui, il n'a pas mécru. Car lui, celui qui fait ça dans son cœur n'a pas voulu faire de la mécréance. Même s'il n'est pas contraint, comme cela va venir dans ses paroles. « Haythu qala fi kalimatin lahu musajjalatin alqaha fi darsin lahu fil tafsil fi sab sahaba » Donc là, il dit, du fait que dans une de ses paroles, enregistrée, il a dit dans l'un de ses cours, par rapport au détail à voir sur le fait d'insulter les sahaba, il dit, Mohamed l'imam, « Wunaka man yasubu sahabata wa muraduhu hadam al-islam » هذا كافر لأنه ما دام أنه يريد هدم الإسلام فهذا ما تمكن الإيمان من قلبه بل لا يزال على طريقة عبد الله بن أبي يظهر الإسلام ويبتن الكفر هناك من يسب يعني الصحابة ولا يريد هدم الإسلام ولا يعاند الإسلام ولا يكذب القرآن لكن الجاهل يظن أن هذا السب هو حق وأن هذا قد حصل بالأدلة الثابتة وأن هذا حصل من الصحابة هذا السب لا يكون كافرا ولكنه يكون جاهلا يحتاج الى اقامه الحجه عليه انتهى كلام محمد الامام donc là ici tu as parlé de Mohamed l'imam, il dit que il y a des gens là qui insultent les sahaba, mais et lui quand il fait cela son but c'est de s'en prendre à l'islam, de détruire l'islam. Il insulte les sahaba et son but à lui, son objectif c'est de détruire l'islam. Lui c'est un kafir, il dit, voyez, qu'à partir du moment où il veut s'en prendre à l'islam, cela prouve que la foi ne s'est pas encore ancrée dans son cœur. Et lui, il est comme justement Abdullah ibn Ubay, qui était le premier des munafiqin, qui lui faisait apparaître l'islam pour pouvoir le détruire par en dessous. Dans son cœur, il faisait apparaître aux gens l'islam, mais dans son cœur, il n'avait pas la foi. Et lui, il voulait s'en prendre à l'islam, justement. Il est rentré dans l'islam pour s'en prendre à l'islam. Et il dit que là, il y a d'autres personnes qui, eux, insultent les sahaba, mais qui ne veulent pas pour cela détruire l'islam. D'accord ? Il ne veut pas s'en prendre à l'islam, il ne veut pas démentir le Coran, juste cela, c'est la cause de son ignorance. Et il pense que cette insulte est véridique. C'est-à-dire, il a une chouboette, quoi, d'après lui. Il pense que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et que cela est appuyé par des preuves affirmées de, selon lui, celui qui insulte. Et que cela, c'est vraiment produit des sahaba. C'est-à-dire, ce qu'il dit sur les sahaba, il croit que c'est vrai. D'accord, il croit que c'est vrai. Donc lui, il dit, lui, celui qui insulte, il n'est pas kafir. Hein? Cependant, c'est un ignorant qui a besoin qu'on lui applique l'argument. Et comme Atel Khudja. Lui, Mohamed l'imam, il dit, celui-là, là, c'est pas un kafir, il a besoin de combattre le Hudja. Il va montrer que lui, il dit ça, mais il n'applique pas non plus. Tu vois. Il dit ça, mais il n'applique pas non plus. Il y a des gens qui font du kufr par jahl. Ça existe, tu vois. Il y a du jahl qui se fait que des gens font dans le kufr par jahl. Quand même. Mais ce n'est pas tout kufr qui est excusé. Le fait que tu n'aies pas voulu faire du kufr, t'es pas un kafir. C'est ça le débat, là. Le fait que dans ton cœur, j'ai pas voulu faire du kufr. Tu vois. Mais si on t'a prouvé la chose... Tu vois, est-ce que tu continues ou pas? Ou même des fois, il y a des choses qui sont du coup foi à dire, qu'il n'y a pas besoin d'avoir une niya ou pas. C'est du coup ce que tu as fait. Tu vois, c'est du coup ce que tu as fait. Par exemple, demain, quelqu'un lit sur le Coran, il dit, j'ai pas voulu faire du coup. Tu vois, on dit, tu vois, ça c'est un truc, normalement, t'as la foi, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu vois, tu rimes sur le Coran, un cas là, tu fais pas. Tu vois, un exemple que je te donne moi. Donc il dit, wa qala fi kitab tu'un rafidat al-yaman. في صحابة الرسول المؤتمن بعد أن ذكر كلام الشيخ الإسلام وشوكاني في كفر رافدي مكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كفر واحدا منهم تضاعف كفره بتكفيره للأكثر لأكثر من صحابي وتصحيحه ما قال شوكاني رحمه الله تعالى من تضاعف كفر رافدة قال ومع ما سبق يتحرى في إطلاق تكفير على من كفر الصحابة إلى أن قال فلا نرى كفر الرافدة إلى من كان منه عالما بما أثنى الله ورسوله والصحابة وأيضا أراد بسبهم التهم في الإسلام. Donc là il dit quoi? Il rapporte l'achir Saïdaas répète et rappelle ce que Mohamed Ibn avait déjà cité, des paroles de Cheikh Hassan Choukani, qui disent que, qui affirme le couvre des Rafidi, qui lui rend micro les Sahaba, voyez, même ne serait-ce qu'un seul d'entre eux. Et comme Choukani l'avait dit quoi, disons que, fait, que le couvre, il peut s'accumuler, s'amplifier. Donc si jamais tu en as rendu micro un seul, alors que dire si jamais tu en as rendu plusieurs. Alexa, que ton couvre se multiplie. Vous voyez, que ton couvre se multiplie. Donc là, il avait dit quoi, Mohamed Ibn, il a dit, mais que cela, nous, attention dans le fait d'être absolu dans le fait de leur en écrire. On avait dit ça. Et plus tard, dans la même parole, il dit plus tard, il dit plus loin, et nous ne voyons pas le couvre des Rafida. Et on ne voit pas le couvre des Rafida. Donc au début, il amène des paroles qui affirment que c'est des koufars. Après, il dit, fais attention, et après, catégorie, je ne vois pas le couvre des Rafida. Tu vois. Après, il dit, sauf celui qui sait que Allah et son messager ont fait l'éloge des Sahaba. Et celui également qui, par son insulte envers eux, veut la mécréance. Vous voyez, veut son point de l'islam. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand afna alayhim. Donc celui qui le Coran, c'est une hujja sur lui. Et dans les hadiths, le Nabi sallam, il a fait l'éloge des Sahaba. Donc lui, il dit quoi? Celui qui sait que Allah fait leur éloge, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait leur éloge, et qui ne veut pas s'en prendre à l'islam, plutôt qu'il veut s'en prendre à l'islam, afouane, et bien lui, c'est un kafir. Mais sinon, les autres, c'est pas des kuffars. يقول فاشترط في ذلك كله كما ترى قصد الكفر واعتقاده باشتراط قصد هدم الإسلام وإرادة الطعن فيه الدل على إرادة الكفر واعتقاده المقتضى لزوال الإيمان من القلب هذا دل بفحواه أنه إن لم يريد الكفر ولم يقصد هدم الإسلام فلا يزول الإيمان من قلبه ولا يكفر وإن ارتكب الكفر الواضح الصراح سواء تكفير الصحابة أو غيره من الكفر الصراح Donc il dit quoi? Que lui, il a mis comme condition, Mohamed l'imam, que qu'il faut avoir l'intention de faire du kufr, d'accord? Et d'en avoir la croyance pour devenir un mécréant. Hein, comme il dit, le fait qu'il faut vouloir détruire l'islam et qu'il faut vouloir le diffamer. C'est à lui, il faut que cette intention-là, afin de... Il voit, il faut que tu sois comme, par exemple, Abdullah ibn Ubay, comme il l'a dit. Que ton but soit vraiment de t'en prendre à l'islam. D'accord? Donc. Hein? Ah, ben la chèque. C'est ça. Hein. Mais là, c'est même plus la qadia des Sahaba qui veut montrer Cheikh Saïd Daras. Là, il veut montrer quoi? Que Mohamed l'imam, lui, il voit pour le takfir de quelqu'un, il faut que cette personne-là ait voulu le kouf volontairement. Tu vois? C'est-à-dire, des fois, tu fais du kouf, c'est waouh, dire. Il dit, c'est pas le kouf? Non, c'est pas un kafir. Comme on l'a dit. Tu vois? Il y en a plein, sinon il va venir avec des preuves de Alama qui disent, mais il y en a plein, à la base il ne veut pas le kouf. La plupart des gens, même les koufars, tu vas être un mécréant, je ne suis pas un mécréant moi. Je ne crois pas en Mohamed, mais je ne suis pas un mécréant. Je crois en Dieu, je crois en Créateur, mais je ne suis pas un mécréant. Lui, il ne veut pas le kouf. Donc lui, dans cette théorie, ça ne va pas être un kafir. Il va venir des exemples justement qui démontrent cela. Donc il dit que celui qui n'a pas voulu cela, vous voyez, n'est pas un kafir. Quant à celui qui le veut, hein, qui a des actions qui inspirent Sahaba pour s'en prendre à l'islam et pour le diffamer, cela est une chose qui fera disparaître l'iman de son cœur, lui c'est un kafir. Donc pour faire du takfir, lui il ne peut pas faire du takfir, il faut qu'il connaisse le cœur de la personne. Ça va venir justement tout ça. Ouais. Tout ça, ça va venir. Et ça c'est de l'irjet, justement. Vous voyez? Donc lui il voit que tu as fait le pire des koufs, waouh, la pire des infamies, tant que tu n'as pas voulu le koufs dans ton cœur, on ne peut pas te kafir, dans sa théorie. D'accord. Donc il dit فهذا هو مقصود بالتفصيل الذي ذكر في كتاب نصرة اليمانية صفحة 194 أنه الذي يترجح له واستدل بكلام لبعض أئمة السنة لا يمت ويمت إلى مقصوده الإرجاء بسيرة ولا من قريب ولا من بعيد. Donc il dit ça c'est ce qu'il a voulu dire par là dans son تفصيل qu'il a fait dans son kitab Donc, sur l'Yémenia, page 94, ce que lui voit que la vie le plus juste, hein, c'est que quand tu n'as pas voulu faire le kouf, tu n'es pas un kafir, et il a pris comme preuve des paroles du ulama qui n'ont pas du tout dans son sens. Comme dans l'Iban, il a pris plein de paroles, qu'il a mis, et en vrai, quand tu vois la parole entière, elle ne va pas dans le sens que lui veut. Naam. وَهَذَا الْاِعْتِقَادُ رَاجِعٌ وَرَاجِعٌ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطِ قَصْدِ الْكُفْرِ وَإِرَادَتِهِ لِيَزُولَ الْإِيمَانِ مِنْ الْقَلْبِ إِلَى قَوْلِ الْجَهْمِ وَأَتْبَاعِهِ بأن الإيمان هو تصديق القلب وعلمه، فلا يزول بارتكاب أفعال الكفر السراح إلا بالانتفاء تصديق من القلب بقصد الكفر وإرادته. طيب، donc il dit et cette façon de penser, cette croyance revient en fait à celle de Jam Musafwan, le fait que tu veuilles, pour que tu sois un mécréant, il faut que tu aies voulu la mécréance. D'accord ? Car eux, Jam Musafwan, c'est celui qui a propagé le madhab des Jahmiyyah, mais c'est pas lui le fondateur, mais c'est lui qui s'y connaît le plus. Donc eux, dans la croyance, ils sont irja, c'est les irja qu'ils ont. Et l'irja, il y a différentes catégories, comme les ulama ils l'ont dit. D'abord, il y a celui justement des Jahmiyyah, qui est le fait que la foi, c'est al-ma'rifa fil qalb, ou al-tasdiq. Dans ton cœur, tu le sais, tu as la confession de foi. Quoi que tu fasses. D'accord ? Le qalb, fakat. Eux, c'est juste le qalb. Hein ? C'est une seule chose. Non, l'islam, c'est encore autre chose. Ça va venir. Non, pas forcément. Parce que justement, il y en a, ils ont mis parmi l'irja de Jahmiyyah, comme là, par exemple, il va citer Cheikh Saïd, c'est al-ma'rifa wa tasdiq. Mais Cheikh Fouzan dit même si t'as pas de tasdiq, t'as le ma'rifa, ça rentre dans l'article d'œil. Donc, comme on dit, les jumurjiyah sont de différentes catégories. Parmi eux, le jahmiyyah. C'est ceux qui disent que la foi, c'est juste la connaissance dans le cœur. Le tasdiq, et d'autres ulama, comme le Fouzan, disent même si c'est pas de tasdiq. Après, une autre catégorie, eux, c'est le asha'ira. Le irja, c'est quoi? C'est que c'est le fait d'avoir la croyance dans le cœur. Sans le prononcer. Et sans rien appliquer. C'est le ma'rifa, ça? La ma'rifa, c'est que tu connais. Ça ne veut pas dire forcément que tu as la croyance. C'est à la... Tu sais. Tu sais. Mais ça ne veut pas dire que dans ton cœur, c'est ancré. Donc, irja, asha'ira, c'est l'irtiqad bil kalb. Donner notre bil-lisan. Eux, ils disent que c'est le fait d'y croire dans son cœur, sans vouloir le prononcer. Par exemple, là, c'est Mathalan, fil-aouni, en dedans. Ensuite, tu as celui des kalamia, qui eux, qui disent que c'est le fait de le prononcer par la langue, sans en avoir la croyance. Et ça, c'est le munafikoun aussi, en dedans. Ils ont dit que le munafikoun, qawalou nashadou naka rasulullah. Donc, ils ont dit le shahada, mon affirme. Cependant, dans leur cœur, non. Et le dernier genre, c'est celui des hanafiyya. Et ceux qui disent que quoi? C'est le fait d'avoir la croyance dans le cœur et le prononcer de la langue. Notre bilisan. Même si tu ne fais pas d'actes. Qu'ils voient que les actes ne font pas partie de la foi. C'est le moins pire. C'est ce sur lequel était Abu Hanifa. C'est ce qu'on appelle le murjal fukaha. On l'appelle comme ça. C'est un autre bilisan. Ou la tirade bil kalb. Le fait d'avoir la croyance et de le prononcer. Et à partir de là, même si tu fais rien du tout, t'es un mu'min pour eux. Mafoum les jahmiyyah. Les murji'ah. Il poursuit en disant. Donc après avoir démontré que justement ça c'est la croyance de Jam Musafwan, il dit wa huwa ma 'abbara bihi Muhammad al-Imam bi iradat وقصد هدم الإسلام لأنه كما قال الإمام ما دام أنه يريد هدم الإسلام فهذا ما تمكن الإيمان من قلبه وعلى طريقة عبد الله بن أبي يبتن الكفر يعني يريد الكفر ويكسوده. Donc il dit là, Mohamed l'imam, il a bien démontré cela en disant que pour que la personne soit jugée de mécréante parmi les rafidats, c'est qu'il ait voulu le kufr, qu'il ait voulu détruire l'islam. Tamam ? Ça amène à cette parole-là. Donc là, après, il ramène par le Cheikh Islam qui dit « Quand le Cheikh Islam, comme il fait Fatawa, anil 12 al-Sabi' 188, il dit « Qu'au l'jam Musafwan, wa man tabi'ahu, haythu zannu anna l'iman mujarrad tasdiq al-qalb wa ilmi. Lam yaj'alu a'mal al-qalb min al-iman, wa zannu annahu qad yakunu al-insan mu'minan kamil al-iman bi qalbihi, wa wa ma hadha yasubu al-sahaba » ويسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه بل يفعل هذا وفي الباطن عنده عند الله مؤمن. الشيخ الإسلامي أعطى مجموعة فتاوى que la parole de Jahm Soufouane c'est quoi et ceux qui l'ont suivi, ceux qui pensent que la foi c'est le simple fait que le cœur accepte, on peut pas dire accepte, ou il y a le temps de dire et qui sait, d'accord, qui sait, et qu'ils ont fait que les œuvres du cœur par contre ne sont pas partie de l'imam. Les œuvres du cœur comme par exemple tawakkul, le khawf, le raja, le khashiya, le taqwa, et ces œuvres du cœur se retransmettent à travers les actes, mais ce sont des œuvres du cœur. Donc eux ils voient que même dans ton cœur t'as pas de tawakkul, t'as pas de peur, t'as pas de khashiya ni rien, tu vois, juste, et ça sort dans l'article à la base, juste dans ton cœur tu sais, il sait, il reconnaît qu'il y a un Seigneur et tout, tu vois, que c'est le haq, mais voilà quoi. Donc il dit celui-là, cela, il y a Abdur Djam Soufouan, qu'ils ont sorti justement les œuvres du cœur de la foi, que le cœur c'est juste le ma'alifa et le tasdiq, c'est tout. Et pense que la personne est un croyant d'une foi parfaite dans son cœur, même s'il insulte Allah et son messager, et qu'il s'en prend à Allah, du moins qu'il tente de s'en prendre à Allah et à son messager, hein, et qu'il fait preuve d'animosité envers les alliés d'Allah, et qu'il s'allie aux ennemis d'Allah, et qu'il tue les anbiya, et qu'il détruit les masajid, et qu'il détaille les masahif, et qu'il honore les kuffars de façon grandiose par exemple, et qu'il rabaisse les mu'min. Et donc ils disent que tout cela pour eux c'est des ma'asi, juste des péchés, et cela ne contredit pas la foi qui est dans son cœur. Et même s'il fait tout cela auprès d'Allah, c'est incroyant. Hein, donc ça c'est le pire genre. C'est le pire genre. وقال الشيخ الإسلام في الفتاوى الجزء السابع 143 لا يتصور عندهم يعني الجهمية أن ينفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. Donc il dit que chez eux les Jahmiya ils peuvent pas concevoir chez eux que tout cela s'oppose à la foi sauf si la personne ce savoir de l'imam sort de son cœur. Cette ma'alifa, c'est l'imam, il sort de son cœur, là, c'est un kafir. Mais tant que c'est présent dans son cœur, il fait ce qu'il veut, c'est pas un kafir. Il fait ce qu'il veut, c'est pas un kafir. Donc là, on a dit, c'est le pire des gens, celui-là. وَهَذَا وَعَيْنُ قَوْلُ مُحَمَدٍ مُحَمَدِ الْإِمَامِ جِهَاتِ الْإِشْتِرَاطِ إِرَادَةِ الْكُفْرِ حَتَّى يَزُولُ تَصْدِيقُ قَلْبِ وَعِلْمُهُ وإن لم يقصد الكفر بفعل الكفر الصراح ولم يعتقده وقد فعله مختارا غير مكراه فلا يزول عنه الإيمان بأن دفعه إليه دافع دنيوي أو عرض من أعراض فلم يكفر من انضم إلى صفوف الرافضة الحوثيين ذوي العقائد الكفرية الواضحة لأنهم في اعتقاده لم ينضموا إلى صفوفهم لقصد الكفر وإرادة هدم الإسلام ولكن لأغراض دنيوية. Donc il dit que cela est la pure parole, exactement la même parole que Mohammed l'imam par rapport au Rafida, du fait qu'il l'a mis comme condition pour que la mécréance soit appliquée, que justement dans son cœur cesse cette science, voyez, ce savoir, et qu'il veuille le kufr, qu'il veuille le kufr dans ses actes. Même s'il fait le kufr clair, flagrant. Vous voyez ? Mais à partir du moment où lui, il n'a pas pour croyance le kufr, vous voyez ? Pour lui, ce n'est pas du kufr qu'il fait. Et qu'il fait dans son propre gré, et qu'il n'est pas contraint, hein, et bien lui, à partir du moment où il ne voit pas que c'est du kufr ce qu'il fait, et bien pour lui, c'est pas un kafir. Vous voyez ? Car par exemple, ce qui l'inciterait à faire cela, cette personne-là, ce serait à intérêt des intérêts mondains. Comme il dit d'intérêts mondains. Donc, le fait qu'ils se mettent dans les rangs des Rafida et des Houthi, qui eux ont des croyances vraiment mécréantes, claires, lui, à partir du moment où dans son cœur, il dit, je ne crois pas comme eux, mais je suis juste ça, comme eux, je dis comme eux, je fais comme eux, juste par intérêt, d'accord? Et mon but, c'est pas de m'en prendre à l'islam. Et ben, voilà, quoi. Ah, c'est ça. Donc après, il dit, كما قال في كتاب نصرة اليمانية صفحة 200 في سياق تقريره عدم إطلاق تكفير الرافضة مكفرين مفسقين مضللين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على اعتقادي اشتراط قصد إرادة الكفر واعتقادي في تكفير من قال أو فعل الكفر الصراح. قال كثير من يقاتل مع الرافضة الحوثيين في اليمن من أجل الحصول على المال ومن أجل الظفر بالسلاح فليس اقتناعا بلا رفض، وبعضهم يمنونه بالملك ورئاسة فيدخل معهم من أجل هذا، وبعضهم يدخل معهم مكايدة ومعاندة إما للدولة أو لقبيلته أو لأسرته، وبعضهم يدور مع سياسة حيث دارت، وبعض الناس هي عادة عنده كلما جاءت فتنة ولج فيها لعرض من الأعراض الدنيوية. وعلى هذا التخليص أرجو من إخواني القراء أن يدركوا ثمرة هذا التفصيل في مسألة تكفير الرافضة. Donc là, il dit quoi ? Que justement, dans son livre, dans cette Alimania, page 200, tout en continuant à voir qu'il ne voit pas de faire attention au fait de rendre dans l'absolu mécréants les rafidans, ceux qui rendent mécréants les sahaba, qui les rendent pervers, qui les rendent égarés, et cela se base sur sa croyance qui est le fait qu'on ne peut pas rendre quelqu'un mécréant tant qu'il n'a pas visé la mécréance dans son acte, même s'il a fait du kufr wadih, il dit. Et beaucoup de gens, Mohamed Imam, il dit beaucoup de gens qui combattent avec les Rafida, les Houthi, au Yémen, ne font que pour obtenir des biens. Hein, ou pour avoir des armes. Et que leur but n'est pas par conviction du Raft. Et lui, quand il fait ça, il ne croit pas au Raft. Mais il est avec eux quand même. Voilà. Mais il est avec eux quand même. D'accord ? Il dit. Et certains d'entre eux ont été appâtés par exemple, qu'on va leur donner un poste au placé. Présidentielle ou un, tu vois, ou de la royauté, ainsi de suite. Alors ils rentrent avec eux pour cela. Et certains rentrent avec eux juste pour tromper ou pour s'obstiner ou pour s'opposer au gouvernement. D'accord ? Et d'autres pour s'opposer à leur tribu ou d'autres à leur famille. Et ils se rebellent, quoi. Et certains, eux, d'autres personnes, sont des opportunistes. Vous voyez, ils tournent avec la politique. Partout où il y a l'avantage, il voit là où c'est plus fort, il va là où c'est plus fort. D'accord ? Il va là où c'est plus fort. Et certaines personnes, eux, c'est une habitude qu'ils ont chez eux. Dès qu'il y a une fitna, ils rentrent dedans. Dès qu'il y a un fondant, ah, moi aussi, je suis dedans, tu vois. Donc, cela pour des intérêts mondains, comme nous l'avons dit. Donc, sur ce topo, comme il dit, ce récapitulatif, je souhaite de mes frères, les Qurra, c'est ceux qui récitent, ceux qui lisent, hein, qu'ils comprennent bien, justement, le fruit de ce détail sur le sujet du fait de rendre mécréants les rafidans. D'accord ? Attention, c'est pas tous ceux qui sont avec eux qui sont là. C'est-à-dire, ils insultent les Sahaba, ils disent tout ce que les Rafida disent, mais comme dans leur cœur, ils n'ont pas pour croyance, mais ils savent. Tu vois ? Mais comme dans leur croyance, ils disent, moi, quand je dis ça, je ne dis pas ça pour m'en prendre l'islam, t'es pas un kafir. Tu vois ? Irja. Fahoua kama tara, yubarriru limani in i'tanaka fikr Rafida, zanadika. الحوثيين المشتملة على كفريات الصريحة الواضحة من تكفير الصحابة والتهمات عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة وتكذيب القرآن وغير ذلك ممن يعرف محمد الإمام تبني الحوثيين عليه ودعوتهم إليه ويجعل الدوافع إلى اعتناق الكفريات والقتال في صف أهلها مانعة من تكفير أهلها لاعتقاده اشتراط قصد وإرادة اعتقاد كفر في تكفير من فعل أو قال ما هو كفر واضح صريح كتكفير صحابة الذي هو كفر في حد ذاته عنده كما قال. طيب. Donc il dit quoi ? Donc là tu constates que Mohammed l'imam, lui l'innocente, ceux qui n'ont pas pour conviction cette idéologie du Rafid. طيب. Ces indicants qui sont les Houthiyin. Hein, ce fiqh qui lui quoi est basé sur beaucoup d'actes de mécréance clairs. Comme le fait de remettre les Sahaba, le fait d'accuser Aïcha d'avoir commis la perversion, également le fait de démonter le Coran et autres. Tout ce que connu chez Rafida. Et bien lui, il voit que si tu fais même tout cela, mais que tu ne le fais pas par conviction, mais tu le fais comme avec eux, pour des intérêts mondains, ah, c'était pas comme eux. Vous voyez ? C'était pas vendre son dîme. Hein ? Vendre son dîme pour les intérêts mondains. Ben justement, ça va venir des Adilé qui prouve que si, justement. C'est du coufre. Et que Mohamed Ibrahim connaît très bien l'Aqida des Rafida, il la connaît très bien. Donc il dit, tu fais tout ça avec eux, tu combats avec eux, et tu dis comme eux. et tu fais comme eux, mais tu fais juste ça par intérêt, et on ne t'a pas contraint, tu as fait de ton propre gré, et tu en as connaissance, tu n'es pas un carrière. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas voulu faire de la mécréance. Vous voyez ? Ça revient à ça. Et après, il cite des paroles qu'on a déjà citées auparavant, juste pour appuyer ce qu'il dit. Donc il dit, voyez. Et rappelez-vous bien, on avait dit quoi au début de la Malzama, regardez. C'était en page 3. Il avait dit quoi, Mohamed l'imam ? Je lui ai dit, fais attention à ces paroles, on va revenir dessus. Il dit que le fait de dire que les Sahaba, ils ont mécru et qu'ils ont apostasié de l'islam, cela est une insulte et de la mécréance en soi. Il dit, « Man kala bihi fa wa kafir. Wa man irtakadou fa wa kafir. » C'est-à-dire, celui qui l'a dit, c'est un kafir. Et celui qui l'a pourquoi, c'est un kafir. Donc, il se contredit. Il dit, celui qui l'a dit. Et après, il sépare, et celui qui l'a pour croyance. Donc, il a séparé entre celui qui l'a dit et celui qui l'a pour croyance. Et là, il dit autre chose. Vous voyez ? Donc, attention, vous voyez, comme les mutanakid. Il dit, « Man kala bihi fa wa kafir. » Quelqu'un qui vient insulter les sahaba, vous voyez ? Il dit qu'ils ont mécru, kaza et kaza et kaza, celui qui l'a dit, c'est un kafir. Et après, il y a un autre tafsil. Tarabot. Là, c'est la confusion. Taïeb. Je m'étais arrêté où, là ? وهذا القول في الواقع متدد عند أهله في سائر أنواع الكفر البواء حتى في كفريات اليهود والنصارى لأن هذا مقتضاه كما ذكر هذا العلامة ابن وزير. Donc il dit, et cette parole-là en vrai est connue chez ces gens car elle concerne tous les gens du kufr, hein? Même chez les gens du livre, même dans les mécréances des juifs et des chrétiens, comme va le dire ibn Wazir. Maintenant il va citer une parole d'ibn Wazir qui amène cela. Il dit, quand il fait kitab, Ithar al-Haq al-Khalq, c'est dans la référence. Donc, Ibn Wazir, il dit quoi? Min al-Ajab, anna al-Khusum min al-Bahashima, wa ghaylihim, la musa'idu ala takfir al-Nasara, al-Lazina qalu inna Allah salif salatha, wa man qala bi koulihim, ma' al-Nasr al-Qur'an ala kufrihi, ila bi shart an yartakidu zalika ma' al-Koul. Fakal ekot balag al-Sheikh Abouha. أبو هاشم وأصحابه وغيرهم فقالوا من لم يعتقد الكفر ونطق بصريح الكفر ويسب الرسول أجمعين بالبراءات منهم وبتكذيبهم ومن غير إكراه وهو يعلم أن ذلك كفر إنه لا يكفر. Donc là, le wazir يرد à un homme qui s'appelle Abu Hashim et ses suiveurs qui disent qu'ils ne rendent pas mécréants ceux les suiveurs des chrétiens, même s'ils disent que Allah est le troisième des trois. Vous voyez ? Alors que le Coran a bien dit que celui qui dit ça, c'est un kafir. On ne cherche pas à savoir, croyons pas comment, si tu l'as dit, t'es un kafir. Quand kafara, allazina qalu, inna Allah fait salasa. Ça, on mécru ceux qui ont dit. Tu vois, on ne rentre pas dans les cœurs. Ceux qui l'ont dit, c'est, ils ont mécru. Vous voyez ? Donc lui, il dit quoi, ce Abu Hashim, le Nawazir, il rentre sur lui, qu'à partir du moment où tu sais que c'est du kouf. D'accord ? Mais tu l'as prononcé, mais tu ne l'as pas pour croyance, tu n'es pas un kafir. Donc ça, c'est le même kalam que Mohamed al-Imam avec le Rafida. Même s'il insulte les messagers, hein, et qu'ils se font d'eux, qui disent, j'ai rien à voir avec eux. Par exemple, comme disent les chrétiens, moi, Mohamed, je ne le reconnais pas. Ou plutôt Mahomet, je ne le reconnais pas. C'est le prophète des Arabes, je ne le connais pas. Voilà. Et il sait que c'est causé comme de la mécréance, mais voilà. Eh ben, eux, ils disent que ces gens-là, à partir du moment où tu n'as pas ton but en cela, c'est de vouloir le coufre, et tu fais de ton propre gré, tu n'as pas mécru. Vous voyez ? Tu n'as pas mécru. De même aussi, il dit, moi, je ne crois pas à Mohamed. Sans qu'on l'ait contraint, et de son propre chef, kaza, mais dans son cœur, il sait que c'est Mohamed, il dit, moi, je ne crois pas à Mohamed. Tu vois ? Ben, pour eux, là, ce qu'il dit, c'est, voilà, quoi. Ou il insulte Allah, mais dans son cœur, il ne veut pas insulter Allah. Il insulte Allah, mais dans son cœur, il dit, ouais, ce que je dis, mais ce que je dis, j'y crois pas. Ah, il veut pas la tu vois? J'y crois pas, mais je le dis quand même. Et on t'a pas forcé, c'est pas genre t'as une âme sur la tête, ou t'as des asbeb qui font que t'arrives à dire ça, tu vois? Mm-hmm. De ton propre chef. Juste parce que tu veux, par exemple, tu as un poste ou tu veux quelque chose dans l'Adounia, tu l'as dit. Pour eux, non, t'as pas fait de coufre. Mais si t'as fait du coufre, c'est un mot, t'as fait du coufre. Comme cela, ça va venir, Inch'Allah. Donc il dit, Tayyip. Donc, Cheikh Saïd, il reprend en disant, هذا قول في الحقيقة آيل إلى أن لا يحكم لمن يرتكب أعظم الكفر السراء بالكفر أن لا يطلق تكفير طوائف الكفر لأن اعتقاد القلوب من الأمور المحجوبة لتعثر الوقوف على اعتقاد القلوب في كل فرد لا سيما إن كثيرا من أهل الكفر يحسبون أنهم على هدى فضلا أن يعتقدوا الكفر. Donc il dit, donc en vérité cette parole nous empêche hein, de juger toute personne de kufr, même s'il a fait la paire des choses. On ne peut pas appliquer de kufr sur le même sur les kuffars. On ne peut pas. Pourquoi? Car beaucoup de gens qui font du kufr, ils pensent qu'ils font du bien en faisant ce qu'ils font. Pour eux, c'est du khayr ce qu'ils font. Tu vois? Et également, que ce qui est dans les cœurs, c'est une chose qui est dissimulée. On ne peut pas savoir c'est quoi son intention. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus juger les actes. Il faut qu'on rentre dans ton cœur pour savoir vraiment, tu vois, comment tu as fait. Vous voyez? De chacun, chacun, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire les chrétiens, il faut que tu prennes un terrain par rapport à ce qu'ils ont dit pour pouvoir dire que lui, c'est un kafir. Tu dis quoi de Issa? Kada. Tu penses ce que tu dis? T'as la croyance ce que tu dis? La croyance, c'est que Allah qui le connaît, ce qui est dans les cœurs. Tu vois? Donc c'est pour ça que les ulama disent ce genre de irjia, c'est le pire de tout, ce que tu vas rentrer tout le monde dans l'imam. Tu pourras jamais rendre quelqu'un rien parce que tu ne pourras pas savoir c'est quoi sa croyance. Si ça se trouve, ce qu'il dit, il ne croit pas. Et ouais. Et là, ça va venir justement. Comme il avait dit Cheikh l'Islam, la yashuk fi kufr man lam kafirhum. Il ne doute pas sur le coup de celui qui n'est pas mécréant. Vous voyez ? Donc il dit, parce que la plupart des gens du kufr, quand ils font un truc, ils pensent faire du bien quand ils font ce qu'ils font. Il ne va jamais dire, moi je suis de la mécréance. Tu vois ? À part peut-être les sataniques là, encore c'est encore autre chose. Tu vois ? Et encore, ils pensent qu'ils font du bien eux-mêmes. Ce qu'ils font, ils disent, ce que je fais, c'est bien, moi j'aime bien. Tu vois ? Je fais du bien. Mais sinon, le chrétien, quand il fait un truc, il pense qu'il fait du bien. Le juif, quand il fait un truc, il pense qu'il fait du bien. Tu lui dis, c'est de la mécréance que tu fais ? Il va te dire, ouais, je suis de la mécréance. Jamais il va te dire ça. Jamais il va te dire ça. Dans cette condition-là, tu peux. Il n'y a pas de kufr sur terre quasiment. Tu vois, à part vraiment des gens qui vont dire, ouais, moi je veux de la mécréance, et je fais, et je fais. Ils sont rares ceux-là. Ils sont rares ceux-là. Donc là, il ramène par Ibn Wazir dans Ithar al-Haq, al-Khalq, pour encore démontrer l'erreur de cette parole-là. Il dit, يعني اشتراط اعتقاد الكفر في تكفير المرتكب الكفر الصراح لا يكون شيء من الافعال والاقوال كفرا الا مع الاعتقاد حتى قتل الانبياء والاعتقاد من السرائر المحجوبه لا فلا يتحقق كفر كافر فقط او قط طيب لا يتحقق كفر كافر قط الا بالنص الخاص في شخص donc il dit quoi, le fait de conditionner que la personne est pour croyance de mécréance de ce qu'elle fait. Même s'il a fait la pire des mécréances, le fait de conditionner qu'il faut qu'il ait voulu cela, hein, même le fait de tuer les prophètes, hein, ou ainsi de suite, car la croyance c'est une chose qui est un secret qui revient dans les cœurs, cela on ne pourra rendre mécréant personne, même pas un kafir. Tu seras obligé de le prendre un par un et que tu aies un texte sur l'un d'entre eux, chacun d'entre eux. Tu vois? Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala ou tu aies un hadith qui dise un tel c'est un kafir, un tel c'est un kafir, un tel c'est un kafir. Parce que toi tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans les cœurs. Tu ne peux pas le savoir. Donc comment tu vas juger? Tu peux juger les actes de personne. C'est ça que ça amène, ce qu'il dit, en résumé de la parole de... فَقَدْ أَبَانَ أَلُوا الْعِلْمُ فَسَدَ هَذَا الْاعْتِقَادُ وَمُخَالَفَتَهُ لِأُصُولِ الشَّلْعِ وَدَلَائِلِهِ الْوَاضِحَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ فِي الْفَصْلِ لَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيْهَا وَلَا بُرْهَانَ إِلَّا مَنْ نَصَّ ولا طيب ولا من نص ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من حجة عقلية أصلا ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول أحد من السلف قبل اللعين جم مصفوان. Donc lui, Ibn al-Hazm, il dit quoi dans son livre Al-Fasl, c'est-à-dire en démontrant justement la fausseté de cette croyance et cette dangerosité kazalik, avec des preuves claires. Hein, des preuves claires, il dit quoi? Que ceux qui pensent cela n'ont aucune preuve, c'est-à-dire aucun argument, ni pris d'un texte religieux, c'est-à-dire du Coran, ni de la sunna authentique, même de la sunna qu'ils ne sauraient pas. Même pas de raison, même pas de tirer de preuves rationnelles, tirer de la raison, ni d'un ijmar, d'un consensus, ni d'un qiyas, d'une déduction par analogie, et ni d'aucun coup des salafs, si ce n'est qui Jam Moussafouane. C'est le premier qui a dit ça. Vous voyez? Et Jam Moussafouane, lui, il a été rendu mécréant. Vous voyez, il a été rendu mécréant pour cela. Vous voyez? وأوضح أن أدلة القرآن دالة على أن من قال أو فعل الكفر مختارا غير مكراه فهو كافر سواء اعتقد الكفر بقلبه أو رده أو قصده أو لم يقصده بأن دفع إليه دافع دنيوي أو عرض من أعراض لا كما يقول محمد الإمام على طريقة الجم بن صفوان وأتباعه. Donc il dit que les savants ont vraiment éclairci avec des preuves du Coran démontrant que celui qui fait ou qui dit le kufr de son propre gré sans avoir été contraint, alors c'est un kafir, qu'il l'ait pour croyance ou pas, qu'il l'ait voulu ou qu'il ne l'ait pas voulu. Hein? et que cela, même s'il a été poussé par des besoins mondains, ainsi de suite. Comme l'a dit, comme lui le voit Mohamed el-Imam, sur la voie de Al-Jamil Soufouan et ses suiveurs. Donc l'attention de ne pas confondre avec la mas'ala du hukm bi-ghayri ma anzal Allah. Par exemple, déjà, on va dire, ouais, le président, il a dit que la démocratie, c'est la vérité, et kada, et kada, et kada. Ça, c'est encore autre chose qu'il faut voir, qu'il faut revenir au ulama par rapport à ça, pour savoir, lui, quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il dit. Faut pas mélanger, là. Vous voyez, faut pas mélanger par rapport à l'ikrar. Parce que eux, des fois, justement, ils ont l'ikrar, ces gens-là. Les présidents, les rois, ce genre de choses, il y a des choses derrière eux. Vous voyez? Il dit pas ça, forcément, lui, pour avoir un gain. Parce que derrière lui, s'il le dit pas, il aura des problèmes. Tu vois, il y a une pression sur eux. Il y a une menace, ouais. C'est pas pareil. Ouais. La menace, je ne peux pas dire comment elle est, mais c'est pas pareil. Là, on parle de quelqu'un qui rentre de lui-même. On n'a pas forcé. Il veut quelque chose dont il peut se passer. Tu vois, il n'y a personne derrière lui, il n'y a pas de pression derrière lui. De lui-même, il rentre avec eux, il dit, il fait le kouf, il incite les sahabas, il dit que c'est les koufas, que c'est des apostats, ainsi de suite. Et à la base, s'il veut, il ne le fait pas. Vous voyez, mais celui qui fait par pression, c'est autre chose. Tu vois, et ça va venir. Même l'ikra, ça va venir. Même l'ikra, ça va venir. Donc pour les gens disent, ouais, en ouvrant cette porte-là, on va rendre l'écran à tout le monde. Celui qui a dit le couf, qui a fait du couf, c'est un kafir, fait attention. Là, on parle d'un cas particulier. On ne rentre pas tout dedans. On ne commence pas à rentrer les gouverneurs dedans. D'accord? Les gouverneurs, c'est encore un autre sujet. Et ce sujet-là, justement, les méticuleux, ça revient au ulama. D'accord? Ça revient au ulama. Attendez, donc il dit, quand le cheikh d'Islam, Taymiya, fi majmou al-fatawa, al-sabi'a, wa mi'atin wa ishrin, kouluhu, fi kouli ta'ala, من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولو عذاب عظيم ولو عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصارهم وأولئك هم الغافلون نجر منهم في الآخرة هم الخاسرون فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة ثم قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة بينا تعالى أن الوعيد استحقه بهذا ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبعد وهؤلاء يقولون إنما استحقوا الوعيد طيب لزوال التصديق والإيمان بعرفش بالكوبيلا شو بيهم شينا ونانشي بوان في تخرجها طيب الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة والأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع علم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأن ما له في الآخرة من خرائق وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكراه من الكفار ولو كان الكفر لا يكون إلا بالتكذيب القلب وجهله لا يستثنى منه المكراه لأن الكراه على ذلك ممتنعون فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في هذا الكراه طيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى dans le verset dans la parole d'Allah spontanée dans le sens où il dit et que celui qui a mécru en Allah après qu'il eut la foi hormis celui qui aurait été contraint mais que son cœur reste apaisé par la foi, quant à celui qui rentre dans le couf avec agrément, c'est-à-dire qu'il agrée délibérément, alors lui aura la colère d'Allah, et ils auront un dur châtiment. Cela pourquoi ? Car ils ont fait prédominer ou préférer la vie de ce bas monde sur l'akhira, sur celle de l'au-delà, et que Allah ne guide pas le peuple mécréant. Ceux-là sont ceux sur qui Allah scelle le cœur et leur oui et leur vue, ceux-là sont les inattentifs, et pas de doute que dans l'au-delà, ils font partie des perdants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ici, là c'est le cheikh al-Islam qui commence ce verset, que celui qui a mécru en Allah après avoir eu la foi, il a cité c'est quoi ? La menace qui plane sur lui, dans l'au-delà. Ensuite il a dit quoi ? Dans le sens, quelle est la cause de cela ? Du fait qu'ils ont préféré la vie de ce bas monde sur l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a éclairci ici que cette menace, ils l'ont méritée pour cela, du fait qu'ils ont préféré la vie de ce bas monde à celle de l'au-delà. Et il est connu que le fait de démentir ou de croire est la science et l'ignorance, cela ne fait pas partie du sujet de l'amour et de l'animosité. Ceux-là, ils disent juste qu'ils ont mérité cette menace, c'est-à-dire ceux qui voient que tu n'es pas mécréant si tu voulais la mécréance, eux ils voient quoi ? Qu'ils ont juste mérité cette menace du fait que ce tasdik est sorti de leur cœur. Là, c'est les murji'a. et que et Allah, il a mis le fait justement d'avoir préféré la dunya sur l'akhira, c'est cela la cause, et non pas le fait qu'ils ne croient pas. Ce n'est pas le fait qu'ils aient plus d'asdik dans leur cœur, c'est le fait qu'ils aient préféré, voyez, la vie de ce bas monde sur l'au-delà, il a fait que c'est de là que la menace s'applique sur eux. Non pas du fait que dans leur cœur, il y a plus d'asdik, ou qu'ils aient démonté le Coran. Le fait qu'ils aient fait prédominer ce bas monde sur l'au-delà, les a fait qu'ils ont mérité la menace. D'accord ? Et ces gens-là qui ont préféré justement ce bas monde à l'au-delà, savent justement que le kouf leur causera des nuisances. Ils le savent. Mais malgré cela, ils seront prédominés la dunya à l'akhira. Il saura que le Qiyama, il n'aura pas d'issue que l'échappatoire. Il le sait. D'accord ? Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait exception à qui ? Celui qui était contraint. D'accord ? Il était contraint. Donc il dit quoi ? Si c'était le fait de démentir le Coran et le fait de sortir le tasdik de ton cœur qui était la cause de que tu aies la menace, alors celui qui est contraint ne rentre pas dedans. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on contraint, on contraint ton cœur, on contraint ta personne, ton corps. Allez, ouais. Ça prouve quoi ? Que le contraint, c'est celui qu'on contraint physiquement, mais dans son cœur, vous voyez, dans son cœur, lui, il croit toujours. Donc si c'était juste le fait, qui peut te contraindre à m'y croire, maintenant, là ? Qui peut te contraindre à m'y croire ? Alors dans ton cœur, il dit, sois mécréant. Qui peut le faire, ça ? Personne ne peut le faire. Vous voyez, personne ne peut le faire, ça. Donc ça démontre que, eux, ces gens-là, la menace s'appliquait sur eux, pour, pas du fait qu'il n'y ait pas de tasdik dans leur cœur, ou qu'ils ont un takzib, mais du fait qu'ils ont préféré la dunya sur l'akhira. Ah, donc le fait de dire, ouais, dans son cœur, il n'y a pas de tasdik, non. Qui peut leur empêcher, qui peut leur sortir le tasdik de leur cœur ? On ne peut pas les contraindre à cela. C'est juste pour leurs actes qu'ils ont préféré la dunya sur l'akhira. Leur acte a fait qu'ils méritent la menace. D'accord ? Leur acte fait qu'ils méritent la menace. Qu'ils mettent la colère d'Allah, il y a du châtiment. Donc il dit quoi ? Donc de là, on sait que le fait de parler avec le kouf, cela est du kouf, sauf sur la contrainte. Vous voyez ? Sauf sur la contrainte. Donc, قوله تعالى ولكن من شرح بالكوف صدرا أي لاستباب الدنيا على الآخرة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رجل مؤمنا يمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه بغرض من الدنيا فمن تكلم بدون إكراه لم يتكلم إلا وصدوره منشرح به فقد دل على ذلك قوله تعالى يغفر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون لئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تحتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآية الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام انتهى كلام شيخ الإسلام. Donc par rapport à ce verset, toujours on dit cependant, celui qui agrée le kufr. Vous voyez ? Celui qui parle du kufr en l'agréant, en l'approuvant. Du fait qu'il ait préféré la dunya sur ce bas monde. Et également parmi ceux qui prouvent cela, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que l'homme le matin se lève en étant croyant et le soir il finit kafir, mécréant. Ou le soir il est croyant et le matin il est kafir, car il a vendu sa religion pour un bien de ce monde. Donc ça confirme que les choses de ce dunya, le fait de faire devancer ce dunya sur l'akhira, cela peut te faire sortir de l'islam. Comme l'a cité Mohammed l'imam, les causes de ceux qui sont avec les rafida. Ça s'applique sur le tabam. C'est pour la dunya, donc ils vont faire du kufr pour de la dunya. Donc ce kufr sera jugé sur eux comme étant du kufr. Donc, فمن تكلم بدون إكراه, celui donc qui parle, qui prononce le kufr sans contrainte, de son propre gré, celui-là ne le prononce qu'avec son agrément. C'est qu'il l'agrée. C'est qu'il l'approuve. Vous voyez, c'est qu'il l'approuve. Et comme cela a été prouvé par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit que les munafiques hein, se méfient du fait que descendent sur eux un verset qui démontre ce qu'il y a dans leur cœur. Dit, moquez-vous, Allah sortira ce dont vous vous méfiez, dont vous avez peur, c'est ce que vous craignez. Et si tu leur demandais, ils diront, nous ne faisions que plaisanter et parler vainement. Dit, est-ce d'Allah et de ses versets de ce messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et si nous pardonnons à un groupe d'entre vous, nous châtierons un autre groupe, car ils étaient des criminels. Donc il a certes informé Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset qu'ils ont mécru après avoir eu la foi, du fait qu'ils ont dit nous ne parlions pas avec la mécréance sans en avoir la croyance, mais plutôt en parlant et en discutant comme ça sur le chemin et en plaisantant. Voilà. Eux, ils ne voulaient pas le kouf de ce qu'ils disent. Et malgré cela, Allah a jugé sur eux que quoi ? Vous avez mécru après avoir eu la foi. Vous voyez ? Donc il a démontré que le fait de se moquer des versets d'Allah, cela est de la mécréance, et que cela ne provient que de qui ? Que de quelqu'un qui l'agrée. Vous voyez ? Quelqu'un qui agrée cette mécréance. Le moumine ne peut pas dire ça, il ne peut pas se moquer d'un verset. Celui qui le dit, même s'il n'a pas été compris ni rien, ça prouve qu'il a une forme d'agrément. D'accord ? Naam. قال الشيخ الإسلام في الصادم المسلول وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إلا إذ لا يقصد الكفر أحد إلى ما شاء الله. Donc il dit الشيخ الإسلام que dans l'ensemble celui qui prononce le kufr aura mécru par cela même s'il ne vise pas la mécréance. Voyez, même si lui ne veut pas être mécréant en disant cela. Car à la base, personne ne vise le kufr en parlant. Tu verras personne dire « moi je veux la mécréance quand je parle ». Vous voyez, à part vraiment quand il dit « il est masha'Allah », à part vraiment des gens, tu vois, une minorité de personnes. La base, c'est lorsque les gens y parlent, ils veulent à la base du khayr. Même s'ils ne s'en rendent pas compte ou quoi. Ils diront « jamais quand je parle, moi je veux la mécréance, moi je veux le kufr ». Tu vois. « Comme man yulid min mulid al-khayr wa la yusibuhu ». Combien veulent le bien, n'arrivent pas à l'atteindre. Même tous les gens, tu vois, qui font du sirr, tout ça, là... au Maroc, en Tunisie, en Algérie, tout ça, eux, quand ils font ça, tu penses que leur but, c'est de faire du kufr. Quand ils vont chez les sorciers, quand ils vont voir le Sahara, ils veulent marier, ou ils veulent l'autre, ils veulent séparer entre sa fille et son mari, parce qu'il n'aime pas son mari, je parle le père, par exemple, la mère, ils veulent le séparer. C'est quoi qu'il veut, lui ? Il veut faire du bien d'après lui. Mais lui, il fait du mal à ma fille, je vais le séparer. Allez, fais du sihr. Toi, tu fais du kufr ? Il dit, oui, je fais du kufr, mais jamais. Jamais, il a dit, je fais du kufr. Pourtant, ce qu'il fait, c'est du kufr. Après, c'est notre histoire. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait, est-ce qu'il se rend compte, après, et que moi, tu as l'audience sur lui à faire. Vous voyez ? Mais à la base, ce qu'il fait, c'est du kufr. Vous voyez ce qu'il fait, c'est du kufr. Et il dira jamais, ouais, quand j'ai fait ça, je voulais du kufr. Non. Quand les aïdons fils sa'adim et masloul, man kale bilisani kalimat il kufr, min ghili hajatin amidan laha, aliman bi anha kalimat kufr, fa innahu yakfuru bizalika zahiran wa batinan, lienna la nujawiz an yukal innahu fi batin yajouzu an yakuna mu'mina. ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام قال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه الآية معلوم أنه لم يريد الكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد استثني من أكره ولم يريد من قال واعتقده لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول إنما يكره على قول فقط والفعل كذلك فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله ولو عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره ومطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر من المكرهين فإنه كافر أيضا فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسان كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وقال تعالى في حق المستأذنين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته في صحته من سنة واقع. Donc là, Cheikh l'Islam vient avec une parole toujours sur le même verset que celui qui a, dans le sens où Allah dit celui qui a mécru en Allah après avoir eu la foi, le verset qu'on a déjà cité. Là, c'est une parole similaire à la précédente qui dit qu'à la base, il est connu que qui n'a pas voulu ici là le kufr par la tika dans le qalb seulement. On avait dit c'est quoi? Le fait qu'il ait fait prédominer la dunya sur l'akhira. Vous voyez? Là c'est le même kalam qu'il a dit avant. Avant c'est d'autres termes qu'il a employé, mais ça revient au même. Donc il dit que celui donc qui a dit le kufr sans besoin et qu'il a dit volontairement et qui sait que c'est cette parole du kufr, donc lui, il est kafir, il est mécréant. C'est-à-dire en apparence et à l'intérieur. C'est-à-dire son acte est en lui, on considère comme étant mécréant. Car il n'est pas permis de dire que Yanni dit le kufr en apparence et au fond de lui, il est mu'min. Ça, c'est pas permis de dire cela. Et celui qui dit cela, lui-même qui dit cela, sortira de l'islam. Vous voyez? Sortira de l'islam. Donc ensuite, il recite le même verset, voilà ce point là. Et il dit qu'il est connu que là, celui qui a dit ça n'a pas voulu le kufr par irtiqa dans son cœur seulement. Pourquoi? Car l'irtiqa dans le kolb, on ne peut pas te l'imposer. Vous voyez, l'irtiqa, on ne peut pas te l'imposer. Personne ne peut t'imposer à avoir une croyance dans ton cœur. On peut t'imposer à dire des choses, à faire des actes, mais la croyance, personne ne peut le faire. Donc on ne peut que t'imposer les paroles, les actes. Donc là, on a su de cela que celui qui a voulu parler avec le kufr, hein, qu'il aura la colère d'Allah et qu'il aura un châtiment douloureux et qu'il est mécréant pour cela, à part celui qui a été contraint tout en ayant le cœur apaisé par la foi. Cependant, celui qui agrée cela, même s'il est contraint, dans son cœur, il agrée cela. Tu vois, il le dit jamais, mais là on le force. Dis-le. Par exemple, Burkina, on dit dis-le. Il le dit. Tu vois, il est contraint. Il est contraint de quoi? De dire ce qu'il a en lui. Il le prononce, mais lui c'est un kafir. Tu vois, il peut dire on m'a contraint, ouais, mais tu as contraint, mais dans ton cœur, déjà, tu as prouvé cela. Tu n'étais pas contre de le dire. Donc lui, il dit, celui-là devient mécréant aussi, même s'il a été contraint de prononcer ou de faire une chose qu'au fond, à la base, il agrée. Bam. Donc il dit, de cela, il nous éclaircit que ceux qui. Après, il a reparlé de ceux qui se moquent vers Allah, l'istizabilla. Il dit, à ce moment-là, la tartizilou, wa qad kafartum ba'd imanikum. Ne vous excusez pas, vous êtes certes mécru après avoir eu la foi. Donc là, cela nous éclaircit qu'ils ont été mis kuffar par la simple parole, alors qu'au fond d'eux, ils n'y croyaient pas. Au fond d'eux, ils n'y croyaient pas. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Innama kunna khudu wa nal'ab. Donc là, il poursuit, il finit ce chapitre en disant, wa qala Abu Muhammad ibn Hazm, qala ta'ala, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستأذون يعني لو verset sur ceux qui se moquent. فنص تعالى على أن الاستئذاء بالله تعالى وبآياته وبرسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان ولم يقل تعالى في ذلك إني علمت أن في قلوبكم كفرا بل جعلهم كفارا بالناس الاستئذاء فمن ادعى غير هذا فقد كول الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى. Donc là, Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir cité le verset sur ceux qui se moquent des versets d'Allah, il dit que Allah l'a stipulé que le simple fait de se moquer est du kufr en soi. Croyance ou pas croyance. La moquerie en soi est une mécréance. D'accord? De se moquer des versets ou du messager ou d'un seul de ce messager par tous les messagers, que cela fait sortir de la foi. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas précisé, car j'ai su que dans leur cœur il y avait de la mécréance. Tu vois? Il a juste précisé le fait de se moquer. Mmh. Sans préciser que dans leur cœur, ils avaient de la mécréance. Mmh. Tu vois, donc comment toi, tu vas rajouter ce que Allah lui-même n'a pas. Ah, tu vois. Donc il les a mis, il les a rendus mécréants du simple fait de se moquer. Mmh. Croyance ou pas croyance. La moquerie en soi, toute seule, suffit pour sortir de l'islam. Mmh. Et que celui qui prétend le contraire aura fait dire à Allah ce qu'il n'a pas dit. Mmh. Vous voyez, mais il aura menti sur Allah. Donc, quand le Aïdan fait ce kitab, لما قال تعالى إلى من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان لمن verset ليس قول الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا على ما ظنوه من يعتقد الكفر فقط بل كل من نطق بكلم الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئا لا شاهدا لا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدره بمعنى أنه شرح صدره لقبول الكفر المحرم على أهل الإسلام وعلى أهل الكفر أن يقوله سواء يعتقدوه أو لم يعتقدوه. طيب سواء يعتقدوه أو لم يعتقده فتبين. طيب بس لا فهم البعض ابن حزم. Donc l'Ibn Hazm vient avec le même calame que le Cheikh l'Islam, d'accord, par rapport au fait que là il réplique sur les gens qui pensent que les gens méritent sur le parole d'Allah, alors ce qu'il dit, cependant celui qui prononce le kouf tout en l'agréant, d'accord, il dit ce n'est pas comme le pensent des gens qu'il faut qu'il ait la croyance faqat. Ce n'est pas comme cela qu'il faut penser. Vous voyez, le simple fait de l'avoir prononcé, d'accord, une parole qui mérite d'être jugée comme étant un kafir, cela suffit à ce que ce jugement soit effectif sur lui. Ce n'est pas une personne qui lit, par exemple, demain tu lis une parole, tu lis par exemple Jésus le Fils de Dieu, tu l'as lu. Bah, ça, on n'applique pas sur toi. Ah, ouais. Ni tu rapportes. Quelqu'un a dit Jésus le Fils de Dieu. Ouais. Non, toi tu rapportes juste pour rapporter à quelqu'un. Ouais. Ni tu as été mis dans la contrainte. Tu l'as dit de ton propre gré, de ton propre chef. Donc là, ça s'applique sur toi. T'as même non. Donc il dit qu'il l'ait eu comme croyance ou pas. Qu'il l'ait eu comme croyance ou pas, le fait qu'il ait prononcé le kouf de son propre chef, de son propre gré, sans contrainte ni rien, voyez, cela peut lui valoir le jugement. Donc le fait de mettre comme condition qu'il est pour croyance ou pas, ça c'est baratel, ça n'existe pas. Vous voyez, ça n'existe pas, à part chez les Murjiya, Jahmiya, ou ce que est venu Mohammed al-Imam, qui est similaire à leurs paroles. فتبين بهذا حقيقة رأي محمد الإمام الفاسد في حكم بإسلام الرافضة وعدم تكفيرهم أنه راجع جهة إلى رأي جهم وأتباعه من غراة المرجئة. Donc là on voit la réalité que l'avis de Mohammed al-Imam là-dessus, sur le fait qu'il ne veut pas rendre les mécréants les rafida, hein, la raison qui l'amène à cela, c'est quoi? C'est qu'il il a une vision similaire de Jahm et de ses suiveurs, qui sont parmi les exagérateurs, les Murji'a. Non. Là, une parenthèse que je voudrais ouvrir, par rapport à Ubayd Jabiri, qui avait une fatwa, lorsque Shayahi, il y a longtemps, avait fait une fatwa où justement, il a fait un torsil sur les Sahaba, le fait d'insulter les Sahaba. Il y a le truc sur le site, l'article sur le site, il a été mis, c'est Abdullah l'Ivoirien qui l'avait traduit, que Shayahi, il y a longtemps, il avait fait une fatwa dans son livre Kenz Asamin, où il disait qu'il y a un torsil, le fait d'insulter les Sahaba. Tu vois? Un peu comme celui de Mohammed l'Imam. Et qu'est-ce qu'il a fait après Shayahia? Il est revenu là-dessus. Il a vu que c'était une erreur, ce calème-là. Donc il est revenu, il a même écrit de sa main sur le livre que c'était le coup qu'il avait avant, il est revenu, qu'en fait, et après il a pas une fatwa qui demande que c'était les Sahaba à la base. Pour son but, c'est de reprendre l'islam. Il n'y a pas de tafsil. Tu veux l'islam, tu veux pas l'islam. Si tu veux l'islam, c'est que tu veux l'islam, c'est tout. Ça s'arrête là. À part peut-être que quelqu'un a une choubouette, tu vois, qui connaît pas, ça c'est autre chose encore. Là, on parle du asl. Donc Ubayd Jabiri, Adallah, à une fatwa, il a été interrogé sur qui dit cela, en sachant que la parole, c'est quelqu'un qui est venu avec le livre de Shayahi, il dit, regarde ce que le Hajjuri dit. Donc quelqu'un lui a dit, quelqu'un qui ne rend pas mécréant les Rafida, kaza kaza, en visant Mohammed al-Imam. Qu'est-ce qu'il a dit, Ubayd Jabiri? Il dit, celui-là. Non, d'abord, pour Mohammed al-Imam, il a dit, oh, celui-là ne mérite pas de... C'est quelqu'un qui ne mérite pas, genre comme un berger, qui ne mérite pas d'avoir des troupeaux, dans le sens. Il n'y a tout n'a pas direct. Et après, il est parti sur qui? Sur le Hajjuri. Il a dit, celui-là qui a dit cette parole-là, si où il fait tauba, on l'exécute. Donc il a dit quoi? Où il fait tauba, où on l'exécute. Et maintenant, Mohammed al-Imam, qu'est-ce qu'il dit de lui? Ikhwani, dal muttadiya. Pourquoi on ne l'exécute pas là? Quand c'est le Hajjuri, il fallait le tuer. Et là, Mohammed al-Imam, là, on le prouve qu'il dit exactement ça, et il l'a jusqu'à aujourd'hui, et il persiste dessus, il n'est pas venu dessus. Alors pourquoi, c'est un tabdiya, c'est pas un takfir que tu as fait? Et le Hajjuri, c'est un takfir direct. Direct, c'est un takfir. Alors qu'il est revenu sur la fatwa. Hein, pour te montrer que, pour prouver encore une fois plus qu'on veut dire que Ubayd Jabiri, hein, ce qu'il veut, lui, c'est pas le c'est pas comme on dit, c'est pas ses fatwas qu'il faut qu'on a donné ici. C'est qu'il veut s'en prendre à la da'wah. Hein, il est injuste. Et là, on l'a prouvé aux gens. Là encore, on le prouve aux gens. Pourquoi la Corse Mohammed lui-même, juste un tabia, c'est pas un takfir, la Corse c'était le Hajjuri, c'est un takfir direct, même mise à mort. On l'exécute. Et ça, c'est une exécution ridda, c'est pas hadda. C'est-à-dire là, on l'exécute et il meurt apostat. C'est pas comme celui qui a fait zina. Par exemple, celui qui a fait zina, on l'exécute, mais il meurt désobéissant, mais c'est un had, c'est une sentence. Mais il meurt musulman. Mais là, c'est une sentence d'apostasie. C'est-à-dire, on t'exécute et on ne fait pas ça sur toi et t'es pas musulman. Vous voyez? Et quand il a fait cette fatwa, il savait très bien que c'était Hajjuri. Il sait très bien que c'était qui. Donc là, on dit pourquoi là, Mohamed Ibn Imam, il n'a pas le même hukm sur lui. Juste un tabdir, c'est Yahouani. Alors qu'en plus, il a rajouté quoi dans sa feuille? Hurriyat al-Fikr. La liberté de penser. En plus, tu vois, pourquoi là, il n'y a pas d'exécution sur lui? Juste un tabdir, comme ça. En plus, regarde son tabdir, c'est deux lignes. Il n'y a pas tout ce tafsil. Mohamed, là, le chef Al-Das, il a bien expliqué c'est quoi. C'est irjé. Et comment c'est dangereux ce qu'il a fait. Très dangereux. Qu'après qu'on ait lu tout ce qu'on a lu, et qu'on ait su ce qu'on a su, bifadlillah, vous voyez qu'en fait, son tabdir, il est bâti sur cette feuille, le wasiqa. Qala innahu dal mubtadi' hatta yatub min hadi wasiqa. Ça veut dire qu'en fait, son tabdir, il est bâti sur quoi? Sur la forme. C'est tout. Pas sur le fond. C'est-à-dire, si la feuille, on dit que Mohamed Ibn Imam dit c'est bon, la feuille, je reviens dessus, c'est plus mutadia. Et tout le reste, ça reste. Il y a comme un chikol et chayahya, au bayd mayasla le fatawa. Et encore moins le jahb ta'adil. C'est-à-dire, normalement, c'est pas la feuille le problème, c'est tout le fond. C'est les usul qu'il faut regarder, pas les natija. C'est les usul, comment c'est arrivé tout ça. Donc, c'est-à-dire, si demain, là, Mohamed Ibn Imam dit cette feuille, je reviens dessus, et il se contente de ça, c'est plus un ikhwani, c'est plus un mutadia. Alors qu'il a des afkar, il a dit, même tkufriya. Pour dire que leur jah, là, il est khafif jiddan. Il mérite bien plus que ça, normalement. Il y a plus de kalem à mettre dessus. Et pourtant, ce hukm-là, il a bien fait pour Shayahya. Le fait de le had. Et là, pour lui, non. Juste un ikhwani, c'est-à-dire, dal hatta yatoub, minadil wasiqa. Vous voyez, voilà quoi. Et après ça, des gens osent venir vous dire que c'est un imam dans la salafia, cet homme. Donc, bihadan al-tafi, inshallah, demain on finira. Et c'est justement, c'est demain qu'on parlera un peu de Hussein Badaluddin, qui est le frère de Malik al-Hawasi. Quelques paroles de lui qui vous montrent que cet homme-là, c'est un kafir. Malgré que Mohamed al-Imam ne veut pas le rendre kafir. Il dit que c'est un ignorant, kaza et kaza. J'avais dit que c'est un savant, c'est peut-être pas un savant, peut-être pour eux, pour les Hawasi, pour les Rafidasi, c'est un prédicateur, c'est un meneur ou quoi. Mais à la base, c'est surtout un fondateur du fiqh Hawasi. C'est lui qui a vraiment mis en place bien cette idéologie-là au Yémen. Donc voilà quoi. Tamam. Alhamdulillah Rabbil Alameen. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.